effacées sur le vieux chêne. Nos initiales mêlées, mais j'ai eu trop de peine. Enfin, je crois. Allez, tourne, tourne, les images qui s'enfuient. Allez, tourne, tourne, dans le tourbillon de la vie. La douceur de ta voix me manque quelquefois. Je me sens seul quand t'es pas là. J'ai besoin de toi, enfin je crois. Allez, tourne, tourne, les images qui s'enfuient. Allez, tourne, tourne, dans le tourbillon de la vie. M'asseoir à tes côtés, t'écouter me parler. Tous ces petits gestes partagés, cette entière complicité, enfin je crois. Allez, tourne, tourne, les images qui s'enfuient. Allez, tourne, tourne, dans le tourbillon de la vie. Allez, tourne, tourne, les images qui s'enfuient. Allez, tourne, tourne, dans le tourbillon de la vie. Je voudrais encore une fois te prendre dans mes bras, te serrer tout contre moi, te dire que je t'adore, enfin je crois. Allez, tourne, tourne, les images qui s'enfuient. Allez, tourne, tourne, dans le tourbillon de la vie. Je n'ai pas pu effacer, j'ai laissé sur le chêne nos initiales mêlées pour oublier ma peine. Enfin comme ça. Allez, tourne, tourne, les images qui s'enfuient. Allez, tourne, dans le tourbillon de la vie.